Comment diriez-vous « il sera ici bientôt »« Il va bientôt être ici »? Er wird. Bien. Er wird. Bientôt. Bald hier sein. Bien. Er wird bald hier sein. Nécessaire se dit nötig. Nötig. Ça s'écrit N-O-T-I-G. Et le I-G final se prononce généralement comme E. Nötig. Comment diriez-vous cela ne sera pas nécessaire? Es wird. Wird. Es wird. Es wird nicht nötig sein. Es wird nicht nötig sein. On peut aussi dire notwendig à la place de nötig. Notwendig s'écrit N-O-T-W-E-N-D-I-G. Notwendig. Es wird nicht notwendig sein. Ou es wird nicht nötig sein. Mais je voudrais maintenant revenir sur wird. Wird, qui en allemand, comme vous le savez déjà, sert à former le futur, comme dans Er wird warten. Il attendra, il va attendre. Er wird es tun. Il le fera, il va le faire. Mais wird, c'est également le présent du verbe werden. Werden, qui signifie devenir. Voyons par exemple, comment direz-vous je suis fatigué? Ich bin müde. Ich bin müde. Je suis fatigué, oui. Mais si vous voulez dire « je me fatigue », en allemand vous direz « je deviens fatigué » avec le verbe « werden », « devenir ». « Je deviens » se dit « ich werde ». « Ich werde », oui. Donc « je deviens fatigué », « ich werde müde ». Ici, « ich werde » n'exprime pas le futur. « Ich werde müde », c'est donc « je me fatigue ». Alors, « je serai fatigué », « je vais être fatigué » se dira « Ich ». « Ich werde müde sein ». Bien. « Ich werde müde sein ». Et « je me fatiguerai », »,« je vais me fatiguer », »,« je vais devenir fatigué ». « Ich werde ». Ich werde müde werden. Ich werde müde werden. Vous voyez comme werden peut à la fois être employé pour former le futur et comme verbe à part entière dans le sens de devenir. Vous pourrez par exemple dire à quelqu'un vous serez trop fatigué, vous allez être trop fatigué. Sie werden zu müde sein. Mais si vous voulez dire vous allez bientôt vous fatiguer, vous deviendrez bientôt fatigué, comment diriez-vous cela? Sie werden bald müde werden. Sie werden bald müde werden. Comment diriez-vous il est tard? Es ist spät. Es ist spät. Et pour dire il se fait tard en allemand, on dira il devient tard. Es wird spät. Es wird spät. Oui. Es wird spät. Dunkel signifie obscur, sombre. Dunkel. Et die Dunkelheit, c'est l'obscurité. Comment diriez-vous il fait très sombre? En allemand, on dira c'est très sombre. Es ist sehr dunkel. Es ist sehr dunkel. Et il fait trop sombre, c'est-à-dire c'est trop sombre? Es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel. Et maintenant, comment diriez-vous « il commence à faire sombre » En allemand, on dira « ça devient sombre ». Es wird dunkel. Es wird dunkel. Et « il va faire trop sombre » Ce qui en allemand donne « ça va être trop sombre ». Es wird zu dunkel sein. Oui, es wird zu dunkel sein. Ça va bientôt s'assombrir. Ce qui en allemand se dira ça va devenir bientôt sombre. Es wird bald dunkel werden. Bien. Es wird bald dunkel werden. Encore une fois, comment dit-on il commence à faire sombre? C'est-à-dire ça devient sombre. Es wird dunkel. Es wird dunkel. est pour dire « il commençait à faire sombre », littéralement « ça devenait sombre », vous direz « es wurde dunkel ». Wurde, W-U-R-D-E. Wurde, c'est le passé de werden. Et c'est pourquoi j'insistais tout à l'heure sur la nécessité de bien distinguer würde de wurde. Es würde est un conditionnel, ça deviendrait, et es wurde est un passé, qui se traduira en français par ça devenait ou ça devint. Alors, comment diriez-vous il commençait à faire sombre? Ça devenait sombre. Es wurde. Es wurde. Es wurde dunkel. Es wurde dunkel, oui. Et donc, es wurde zu dunkel. Il commençait à faire trop sombre. Ça devenait trop sombre. Mais on peut aussi vouloir dire, il commença tout à coup à faire très sombre. Ça devint tout à coup très sombre. Comment diriez-vous cela? Tout à coup, c'est plötzlich. Plötzlich, qui s'écrit P-L-O-Umlaut, T-Z-L-I-C-H. Plötzlich. Donc, comment diriez-vous, il commença tout à coup à faire très sombre? Ça devint tout à coup très sombre. Es wurde plötzlich sehr dunkel. Bien. Es wurde. Es wurde plötzlich sehr dunkel. Et comment diriez-vous il ferait trop sombre? C'est-à-dire, ça serait trop sombre? Es würde. Oui, es würde. Es würde zu dunkel sein. C'est ça. Es würde zu dunkel sein. Vous voyez bien maintenant la différence. Es würde exprime le conditionnel, tandis que es wurde correspond au passé. Comment diriez-vous « nous nous fatiguions », c'est-à-dire « nous devenions fatigués » ? Le mot pour « fatigué » est le même, qu'il s'agisse d'une personne, comme dans « je suis fatigué » ou de plusieurs, comme ici « nous sommes fatigués ». Alors, « nous nous fatiguions », « nous devenions fatigués ». Wir wurden. Wir wurden. Müde. Bien. Wir wurden müde.